Chapitre 2e. Ce Doman n'était pas du pays et même on ne savait trop d'où il venait, ni quels étaient ses antécédents. Il prétendait avoir été huissier autrefois, à Barbizieux. Ce qui était possible après tout. Personne n'y était allé voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait dû vivre longtemps à Paris, car il en parlait à un homme qui en connaît les détours et qui en a exploité les ressources. C'était un petit homme de plus de 50 ans, à visage, il faudra dire museau, de fouine. Tout d'abord, on était frappé de son long nez pointu, de ses yeux mobiles et fuyants, de ses lèvres plates et minces. Son seul aspect eût dû éveiller la défiance. Il y avait une 15aine d'années qu'il était arrivé à Biron, chaussé, comme on dit dans le Poitou, d'une botte et d'un sabot, portant au bout d'un bâton, dans un mouchoir noué, tout son sein frusquin. Mais il avait une envie endiablée de gagner de l'argent. Il était prêt à tout. Il avait donc prospéré et possédait des champs et des vignes, et même une maison à la Croix du Pâtre, qui est le point de jonction du chemin communal de Biveron et de la Grande Route. On lui supposait des économies assez rondes. Sa profession était surtout de n'en pas avoir, de se mêler de tout, de se faufiler partout. Sans lui, point de vente ni d'expertise. Il se livrait surtout au courtage rural. Il achetait les récoltes sur pied aux besogneux et se donnait pour bon géomètre arpenteur. Ceux qui avaient besoin d'argent ou de grains pour les semailles l'allaient trouver. Et s'il présentait des garanties solides, ma foi, il les obligeait volontiers à raison de 50%. Enfin, il était le conseil juré de tous les gens véreux et l'inspirateur de tous les mauvais gars à 5 lieues à la ronde. Il passait pour excessivement adroit, capable de tirer n'importe qui d'un mauvais pas. Était-il ferré sur la loi, comme on le disait? Le fait est qu'il ne pouvait parler une minute sans citer quelque article du code. Améliorer le sort des gens de la campagne était sa marotte à ce qu'il assurait. C'est pourquoi, tout en exigeant d'eux des intérêts affreusement usuraires, il les excitait contre les nobles, les bourgeois et les prêtres. Sa facilité d'élocution, sa science de juriste et la longue redingote noire qu'il portait habituellement lui avaient valu les surnoms de l'homme de loi et de président. S'il en voulait cruellement à M. de Chandos, c'est que le duc s'était ouvertement déclaré contre lui lors de certaines aventures qu'il avait conduites jusqu'au seuil de la cour d'assises et dont il ne s'était tiré qu'en subornant 4 ou 5 témoins. Il avait juré qu'il se vengerait, et depuis 5 ans, il guettait une occasion favorable. Tel est, au moral et au physique, l'homme que le lendemain des confidences de son père, Norbert rencontra à la minoterie de Biveron. Se conformant aux ordres reçus, il venait d'y amener 20 pochers de blé, et seul il les avait déchargés et montés au grenier. Il remettait sa veste et faisait ses dispositions pour reprendre avec sa lourde charrette, attelée de 2 chevaux vigoureux, la route du château, lorsque maître Doman s'avança vers lui, saluant jusqu'à terre, le priant de lui accorder une petite place jusqu'à sa maison. « J'espère, disait-il, que monsieur le marquis excusera mon indiscrétion. J'ai des coquins de rhumatisme qui m'empêchent de marcher. Je me fais vieux. Je n'ai plus l'âge heureux de monsieur le marquis. » Il savait, ce Doman, donner à chacun un titre congruent. Il avait lu quelque part que l'aîné d'un duc est marquis. C'était la première fois que Norbert s'entendait nommer ainsi. Quelques jours plus tôt, son bon sens le mit en garde contre cette flatterie, et il eût haussé les épaules. Mais maintenant, sa vanité affamée cherchait pâture. « À vos désirs, président, répondit-il, j'attends pour partir qu'on m'ait descendu un sac vide oublié à la dernière livraison. » Doman s'inclina, en grimaçant un sourire bas. Mais tout en se confondant en remerciements, il guignait Norbert du coin de l'œil, trouvant à sa physionomie une expression qui ne lui était pas habituelle. « Évidemment, se disait le président, il s'est passé au château de Chandos quelque chose d'extraordinaire. » Était-ce enfin l'occasion tant et si ardemment attendue d'assouvir sa haine qui se présentait? Il en eut le pressentiment. Il y avait bien longtemps que, pour la première fois, il s'était dit que l'héritier de ce vieux noble serait entre ses mains un terrible instrument de rancune et qu'il serait beau et digne de lui de frapper le père par le fils. Cependant, un ouvrier venait de rapporter le sac. Maître Doman avait escaladé la charrette et s'était installé sur un peu de paille. Norbert s'assit lestement sur un des limons, les jambes pendantes, et mit ses chevaux en marche. Le président gardait le silence. Il cherchait pour entrer en conversation quelques phrases banales qui n'éveillaient pas la prudence du jeune Chandos. « Il faut que vous soyez levé bien matin, monsieur le marquis, commença-t-il, pour avoir fini à 7 heures. » Le jeune homme ne répondit pas. « Monsieur le duc, votre père, continua Doman, a une fière chance d'avoir un fils comme vous. « Ah, j'en sais qui voudrait être aussi heureux que lui. J'en connais plus d'un dans Biveron, qui souvent ont dit à leurs enfants « Prenez donc exemple sur monsieur le marquis. Regardez s'il boude le travail et s'il a peur de se durcir les mains. Et pourtant il est noble, lui, il a de bonnes rentes, il ne tiendrait qu'à lui de se croiser les bras. » Un cahot de la charrette coupa la parole à l'homme de loi, mais il ne tarda pas à reprendre. « C'est qu'il n'y a pas à dire, il n'en est point qui vous vaille. Tout à l'heure je vous regardais monter vos poches de blé. Elle n'avait pas l'air de peser sur votre dos plus qu'une plume. À part moi, je me disais, quelles épaules, quelles poignes. » À une autre époque, Norbert eût été très sensible à cet éloge d'une vigueur dont il aimait à faire montre. En ce moment, elle lui déplut et l'irrita autant qu'une insulte. Le brutal et inutile coup de fouet dont il sangla son limonier trahit sa colère. « Allons, monsieur le marquis, poursuivit Doman, le proverbe a bien raison, bonne vie fait bonne santé et bourse pleine. C'est ce que je réponds à ceux qui essaient de vous rallier, parce que vous êtes sage comme une demoiselle. Ça vaut un peu mieux que d'imiter un tas de godelureaux et de jolis cœurs de ma connaissance, amis du billard, de la ribote et du reste, qui jouent, qui ont des maîtresses, qui font la vie, quoi, qui s'amusent. » Tout ce verbiage, débité d'une voix fade, exaspérait Norbert. « Eh, je ferais comme eux si je pouvais, » s'écria-t-il. « Plaît-il ? » interrogea le président, qui avait parfaitement entendu. « Je dis qu'on vit comme on peut et non pas comme on veut, et que si j'étais libre, si j'étais mon maître, si j'avais de l'argent. » Il n'acheva pas, mais il en avait dit précisément assez pour éclairer Doman. Un éclair de joie brilla dans son œil terne. « Je sais à présent, » pensa-t-il, « où le bât blesse. » Je puis le mener loin, ce joli garçon, et faire maudire et pleurer au duc de Chandos l'idée qu'il a eue de se mêler de ma vie privée. Mais voyons si je ne m'égare pas. » Et entre haut et bas, d'un ton de commisération hypocrite, il murmura « Ah, il y a des parents qui sont aussi par trop sévères !» Un geste brusque de Norbert lui apprit qu'il n'avait pas fait fausse route. Aussi est-ce avec plus d'assurance qu'il poursuivit « C'est comme cela, dans ce bas monde. Quand le diable devient vieux, il se fait ermite. Le crâne se pèle, le sang se refroidit dans les veines, et on ne se souvient plus du temps où on avait des cheveux et du feu à revendre. On oublie qu'il faut que jeunesse se passe et qu'il est bon pour la santé des gars de s'amuser, de se dissiper, de jeter leur gourme. Votre père à 25 ans n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mon père. Lui-même, on ne s'en douterait guère. Eh bien, interrogez vos amis, ils vous en compteront de drôles. » La charrette atteignit à la grande route. « Nous voici arrivés, monsieur le marquis, » dit Doman. Comment vous remercier? Ah, si vous vouliez me permettre de vous offrir un verre de vrai cognac, quel honneur pour moi! » Norbert hésita un moment. Une voix secrète lui disait qu'il faisait mal, qu'il devait refuser. Il ne l'écouta pas. Il arrêta ses chevaux et suivit le président. La maison de Maître Doman annonçait l'aisance. Il y était servi par une vieille femme, étrangère comme lui au pays, dont le rôle près de lui n'était pas nettement défini, et qui jouissait d'une exécrable réputation malgré ses apparences. Son cabinet, car il disait « mon cabinet », ni plus ni moins qu'un avocat ou un notaire, avait quelque chose de l'ambiguïté du maître. Si d'un côté on voyait un bureau chargé de cartons verts, de l'autre on apercevait, rangés le long du mur, des sacs de blé, de seigle et de légumes secs. Il s'y trouvait une bibliothèque bondée de livres de jurisprudence, au solif du plafond pendaient à des ficelles, des paquets de fleurs sèches conservées pour la graine. C'est d'ailleurs, avec les démonstrations du respect le plus servile, que le président accueillait le fils du duc de Chandos. C'est dans son propre fauteuil, garni de cuir, qu'il le fit asseoir, et après avoir échangé son chapeau contre un bonnet grec, il descendit de sa personne à la cave pour chercher derrière les fagots ce qu'il avait de mieux. « Goûtez-moi ça, monsieur le marquis, » disait-il après avoir rempli deux verres. « C'est un propriétaire d'Archiac qui m'a donné cette eau-de-vie lorsque j'étais dans les affaires, pour me remercier d'un grand service que je venais de lui rendre, car j'en ai rendu, allez, des services, sans me vanter, quand j'étais huissier, et aussi depuis. » Il gardait son verre à la main, y trempait ses lèvres, faisait claquer sa langue et répétait « Est-ce bon, hein? Quel bouquet? On n'en trouve pas à acheter de pareil. » Tant d'obséquiosité, de prévenance, ne devait pas être perdue. Une demi-heure ne s'était pas écoulée que déjà le maître hypocrite avait confessé Norbert. Jusqu'à un certain point, le malheureux garçon était excusable. Il traversait de ces crises où se confier à quelqu'un est un besoin, un ineffable soulagement. De plus, il ignorait de quelle déconsidération était frappé le président. Il dit donc tout, sans restriction. Et pendant qu'il livrait ainsi ses plus secrètes pensées, les pires, Doman, en dedans, jubilait, mais il gardait la tristesse grave du médecin qui, appelé en consultation, reconnaît une maladie dangereuse. « Tout cela est affreux, répétait-il, terrible. Jeune homme infortuné. N'était le respect que je dois à monsieur le duc de Chandos ?» Il porta la main à son bonnet grec. « Je dirais qu'il ne jouit pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles. » Un enfant tel que Norbert pouvait-il se défier de preuves si manifestes de la plus sincère commisération ? « Et voilà où j'en suis, » disait-il avec des larmes de rage dans les yeux. « La destinée est écrite, les efforts n'y changeraient rien. Je dois me résigner à mon sort, à moins... » Il s'interrompit un instant et d'une voix sourde, les dents serrées, il ajouta « À moins que je n'en finisse avec la vie. Ne vaut-il pas mieux pourrir dans la terre que de végéter ainsi ? Ne vaut-il pas... » De nouveau, il s'arrêta. Profondément étonné du bon sourire qui, épanouissant les lèvres minces du sieur Doman, découvrit ses dents noires. « Ah ! S'écria-t-il. « Vous pensez que ce sont là des propos d'enfant ?»« Dieu m'en préserve, monsieur le marquis. Vous avez trop souffert pour ne pas songer aux parties les plus désespérées. Seulement, on ne doit pas parler ainsi quand on a 18 ans, quand on a devant soi le plus magnifique avenir. L'avenir !» Interrompit Norbert que ce seul mot mettait hors de lui. « Que me parlez-vous d'avenir, quand mon supplice peut durer 10 ans, 20 ans ?»« Monsieur le marquis exagère. En quoi ? Mon père est jeune. »« D'accord. » Vous ne vivrez pas près de lui, voilà tout. Ne serez-vous pas majeur dans 3 ans? N'aurez-vous pas alors le droit de réclamer l'héritage de votre mère? À l'air stupéfait de Norbert, le président vit bien que le jeune homme était plus innocent encore qu'il ne l'avait supposé, et qu'il venait de lui apprendre une chose dont il n'avait pas même l'idée. Il regretta d'avoir été si prompt, mais il s'était trop avancé pour ne pas continuer. Un homme à sa majorité, monsieur le marquis, peut disposer de sa personne et de sa légitime. C'est la loi. Or, il vous reviendra de feu, madame la duchesse, il salua, assez de bien pour mener une belle vie. Norbert semblait n'entendre plus. Jamais je n'oserais rien réclamer à mon père, murmura-t-il. Cela, je le conçois. Monsieur le duc, quand il est en colère, ne se connaît plus. Mais on ne fait pas ces commissions-là soi-même. On donne des pouvoirs à un notaire qui se charge des démarches et reçoit, s'il y a lieu, les coups de bâton fourchus. Les coups se comptent à part. C'est prévu par le code, livre 3, article 222, 1 mois à 2 ans. C'est donc au plus 3 ans que vous avez à patienter. Jamais je n'attendrai jusque-là, répondit Norbert, et j'en finirai si je ne trouve un moyen de me soustraire à cette tyrannie. Heureusement, il y a des moyens. Vous croyez, président ? J'en suis sûr, monsieur le marquis, et je me permettrai de vous les indiquer. Que n'êtes-vous majeur ? Ce serait simple comme bonjour. Vous auriez trouvé un avoué qui vous rédigerait une requête en interdiction, coup selon le succès. Oh, pardon, monsieur le marquis, mais cela se fait tous les jours. On a un papa qui ne peut se décider à laisser jouir ses enfants de ce qu'il a, alors dame, on tâche de l'y contraindre légalement. Rien de si commun dans les grandes familles. Il avala une gorgée d'eau-de-vie et ajouta « Mais dans l'espèce, il faut songer à autre chose. Nous ne sommes pas majeurs. » Maître Doman embrassait toujours avec une telle chaleur la cause de ses clients que, confondant leur personnalité la sienne, il disait nous. Nous avons 18 ans, et nous voulons échapper à un père dont la folie nous opprime. D'abord, nous pouvons nous engager comme soldats. C'est toujours une ressource. Pitoyable, monsieur le marquis, croyez-moi. En second lieu, nous pouvons adresser une plainte à monsieur le procureur du roi. Il souleva son bonnet grec. Une plainte? Certainement. Pensez-vous que le législateur n'a pas prévu le cas où un père abuserait de son autorité? Détrompez-vous. Après un moment de silence calculé, Doman reprit « Nous pourrions, dans une plainte que je rédigerai et que vous recopieriez, exposer au juge que nous ne sommes pas élevés selon notre condition, qu'on nous a privés des bienfaits de l'instruction, qu'on nous utilise comme domestiques. Votre père vous a-t-il frappé quelquefois? Jamais. N'importe, nous le mettrons tout de même. Ah, nos conclusions seraient écrasantes pour les défendeurs. Dès qu'elle fait, dirions-nous, patents et notoires, toute la contrée déposera. Car bien que notre père y possède pour plus de 2 millions de propriétés, nous étions l'objet de la pitié de tous, à ce point que dans la commune de Biveron, on ne nous désigne guère que sous la dénomination du petit sauvage de Chandos. » Norbert, à ces mots, bondit comme un poulain sous un coup de cravache. « Qui a osé m'appeler ainsi ? » s'écria-t-il d'une voix terrible. « Qui ? Nommé ?» Cette explosion qu'il avait provoquée à dessein ne surprit pas le président. « Vos ennemis, répondit-il, ou du moins les ennemis de votre père. » Et il en a beaucoup. Ce n'est pas à vous seulement que pèse son despotisme. Cependant, moi, oh, vous, monsieur le marquis, vous n'avez que des amis. et plus que vous ne croyez, même surtout par les personnes du sexe. Tenez, pas plus tard que jeudi dernier, on parlait de vous devant Mademoiselle Diane de Sauvebourg. Rien qu'en entendant votre nom, elle est devenue plus rouge que la crête de mon coq. Vous la connaissez, Mademoiselle Diane. » Le jeune homme, sentant ses joues s'empourprer, baissa la tête et ne répondit pas. « Suffit, fit le sieur Domane, nous serons libres quelques jours, et nous ferons nos farces. Revenons donc à cette plainte. » Mais Norbert, dont les yeux venaient de s'arrêter sous le coucou qui décorait le cabinet du président, se dressa brusquement. « Midi ! » s'écria-t-il, « on va se mettre à table chez nous. Que dira mon père ? Quoi ? Vous le craignez tant que cela ?» Mais Norbert n'entendit pas cette raillerie. Il avait rejoint son attelage et déjà s'éloignait au grand trot. Du seuil de sa maison, le président le suivait du regard. « Cours, disait-il, cours, mon garçon. Tu ne m'as pas dit au revoir, mais tu me reviendras. J'ai un troisième moyen à t'offrir, le bon, et tu l'adopteras, parce que je le veux. Cours. J'ai déposé dans ta cervelle une graine qui germera et portera fruit. Ah, monsieur le duc de Chandos, pour une Picardie amoureuse, vous voulez envoyer les gens aux galères. Nous verrons où j'enverrai votre héritier. »